Tiré de contes du pays gallo d'Adolphe Forain, les éditions de l'Avenir présentent Les filles de la butte au Guéna. La butte au Guéna est située dans la commune de Bain, près du village du Tertre, non loin du bois de la Marzelière. Des filles qui demeurent là, dans les entrailles de la terre, vont le matin, au soleil levant, avant que les bonnes gens soient au champ, étendre sur le versant du coteau, pour les faire sécher, les pièces d'or et d'argent qu'elles fabriquent dans leur demeure souterraine. Un jour, elles furent surprises par deux hommes qui regardèrent avec convoitise ces trésors. « Prenez-en, » leur dirent les filles. L'un d'eux en emplit ses poches, mais l'autre, plus gourmand, s'en alla bien vite chercher un cheval et une charrette. Quand il revint, les filles n'y étaient plus et elles avaient caché leurs richesses sous les pierres de la butte. Conté par Pierre Barré de la Marzelière, âgé de 59 ans.